Calimero. C'est vraiment trop injuste. Mais ouais, j'ai pas Calimero, mais c'est que moi j'ai pas d'effet, j'ai que dalle. Et puis je vais pas surcharger le PC. Le PC là il rame, donc si en plus tu lui fais faire des trucs, ça se met à faire des clics, des claques de partout là. Puis j'aime bien entendre le son de la gratte et le toucher, moi. Ma génération, on reconnaît une Fender de Gibson, hein. Rien qu'au son et au toucher du mec. Maintenant, avec tous les effets, tous les racks, tous les trucs là, maintenant il va falloir savoir si c'est un Rig 5 ou si c'est un Rig 7 ou un Rig 8 ou si c'est un Pod ou si c'est un Roland. Ça, la guitare n'est plus en avance. Quoi. Ouais, bah ta lag elle a aucun son. J'aime bien le son de Karma parce que c'est clair et légèrement crunch dans le médium. Le son à Karma il est pas mal. Comme ça, je suis paumé. Je sais pas où il faut aller. Je sais pas là. Je sais même pas ce que c'est. C'est pas joli. Hé, hey. Là, je m'entends plus. Là. Oh, hé, hey. Ah, hé. Hey.

Thank you.

Thank you.